Voilà, c'est l'heure d'Histoire vivante. Place à Jean Leclerc. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Le 7 janvier 2002 débutait sur les antennes de la Première l'émission Histoire vivante. 16 années plus tard, et à l'heure d'été, nous vous invitons à vous replonger pour certains et à les découvrir pour d'autres ce que furent ces premières heures. Le nourrisson était né à terme, un peu poupin, certes, mais d'un tempérament fort jovial. L'encrier couleur 3 n'était pas si éloigné. Depuis, la chose a évolué, varié, bref, a continué. Merci de votre écoute, de votre fidélité et bon été à tous. Rendez-vous à la rentrée. Plus de 25 000 personnes ont trouvé la mort au Pérou dans des violences politiques. Histoire vivante, une émission de Jean Leclerc. Cette semaine, un président inattendu. La seule chose qui marche au Pérou, c'est Sentier Lumineux et l'armée. Ce qu'il faudrait, c'est une mobilisation mondiale. Et puis, malheureusement, on peut dire que la guerre du Golfe a occulté un peu cette épidémie gravissime de choléra qui a lieu en Amérique latine. D'un Sentier Lumineux à une démission obscure, le Pérou, un pays en péril. Fujimori, que l'on appelle au Pérou le petit chinois, a commencé sa campagne voilà seulement 6 semaines, avec 1% des intentions de vote. Le Péruvien, c'était comme le champagne, ça fait beaucoup de boules, mais après ça se calme. Bonjour. Une nouvelle semaine d'Histoire vivante s'ouvre avec la diffusion dimanche prochain d'un documentaire sur un pays assez lointain de nous, un pays dont on parle peu, dont on parle moins, et qui pourtant recèle une histoire passionnante, le Pérou. Le Pérou, longtemps magnifié, a, comme la plupart de ses pays frères du continent sud-américain, connu les déchirements et les crises suscités par la présence de l'imposant voisin, les États-Unis. Selon son idéal, ou sa naissance, ou sa raison, ou sa logique, ou encore sa vision du monde, on dira de ce voisin qu'il est le grand frère ou le grand impérialiste. Oui, sur ces terres lointaines également, Sapiens a poursuivi son chef-d'œuvre, la Grande Discorde. Mais cette fois-ci, avec un sens du rebondissement et de l'absurde dont plus d'un dramaturge se serait certainement montré jaloux. On serait effectivement tenté de parler de dramaturgie comme au théâtre si, une fois encore, les victimes de tous ordres, de tous sexes et de tous âges confondus ne venaient nous rappeler que le théâtre, c'est sans doute comme la vie, la douleur et la mort en moins. Alberto Fujimori, un président étonnant, stupéfiant, dont le soudain attachement à la question péruvienne aura été de forte mais de courte durée. Accusé de corruption, de détournement de fonds et autres combinations avec le cartel de la drogue, Fujimori annoncera un beau jour depuis le Japon qu'il ne faudra désormais plus compter au Pérou sur Alberto, qu'il sera désormais aux abonnés absents. Comme si Alberto Fujimori n'avait été péruvien que du prénom, que d'un bout de l'identité. Chapitre 1. Ajustons les jumelles et matons un peu la cordillère. Oui, car tout d'abord, avant de laisser Sapiens nous gâter le décor, un peu de géographie, histoire de s'aérer l'esprit. Est-ce parce qu'il est une terre de défiance et de fierté que le Pérou, pays équatorial par excellence, semble jouer sur le tracé des cartes avec la ligne de l'équateur? C'est étonnant. Faites l'expérience vous-même. Prenez une carte, bon, pas trop détaillée, un bon atlas, ça suffit, et regardez. La ligne de l'équateur frise de peu la frontière nord-péruvienne au-dessus de Pantora. On ne sait pas si ça touche ou si ça ne touche pas. Il n'empêche, ce pays deux fois et demi grand comme la France est bel et bien un pays équatorial disposant d'une grande variété d'écosystèmes. Alors radiophoniquement, on pourrait réduire l'organisation tripartite qui caractérise ce pays avec, à l'extrême ouest, le Pacifique qui joue au grand bleu. Un petit peu moins à l'ouest, la cordillère qui grimpe haut dans les sommets, on y frôle allègrement les 6500 mètres, et qui pourrait ne pas être très très fière de sa silhouette, étroite du haut et large du bas, il n'empêche, elle s'étale de toute sa longueur sur 25% du territoire. Et enfin, le moins à l'ouest, l'Oriente, comme on l'appelle là-bas, et son contact inévitable avec l'Amazonie, sous des températures chaudes et humides, la grande tache verte occupe la plus grande partie de la carte et couvre 60% du territoire. Chapitre 2. Combien sommes-nous à bord ? Eh bien, aux dernières estimations, il semble que le Pérou soit peuplé à hauteur de 27 millions d'habitants, essentiellement regroupés sur la partie la plus littorale du pays. Composé de métis hispanisés et d'amérindiens, le péruvien ne ménage pas sa peine en matière de reproduction, malgré un mal endémique fortement répandu sur cette planète et qui a pour nom la misère. Plus de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La misère est partout, autant rurale qu'urbaine, mais elle n'est pas partout la même. La cordillère joue ici en effet pleinement son rôle, tranchant comme un ananas, dont la pulpe est d'ailleurs abondamment produite au Pérou, l'économie du Pérou qu'elle divise en deux. Une économie classique d'un côté et la narco-économie de l'autre. Mais nous le verrons aussi dissemblable que soient ces deux économies, certaines synergies ne sont pas à exclure. C'est à Lima que les choses se concentrent. La mégalopole, avec ses quasi 8 millions d'habitants, en compte à elle seule 10 fois plus que la seconde ville du pays. Le Pérou a de plus le privilège de détenir un record, celui de l'inflation. En 1990, l'année de la venue au pouvoir d'Alberto, celle-ci était de 7800%. Chapitre 3. Et vive le signor presidente! Au Pérou, tout comme chez les proches voisins, c'est de longue date qu'on donne du grain à moudre à tous ceux qui se gaussent de l'instabilité politique chronique de la région et de son cortège de caricatures. Les plazas de la Revolución pullulent en effet aussi bien en Bolivie, en Équateur, au Chili qu'au Pérou, auxquels il faut ajouter les bagarres entre les pays susmentionnés. Il n'empêche, le pays a beau être fragile, on est prêt du côté des pays industrialisés à la fin du 19e siècle à suivre l'exemple espagnol qui a su si bien piller en son temps les Incas. Il existe une bourgeoisie à Lima, en cette fin du 19e siècle, une bourgeoisie qui a su profiter des avantages de la prospérité et tisser des liens étroits avec les investisseurs, qu'ils soient britanniques ou américains. Dans les campagnes, par contre, les partis d'opposition se développent et entament une lutte de longue haleine. Ainsi, pendant des dizaines d'années, le Pérou ne va-t-il connaître d'alternance politique que d'une seule façon, que d'une seule manière, par la violence. Ainsi, ce 4 octobre 1968. Au Pérou, le général Alvaro, nouveau chef de l'État, a déclaré hier soir que le régime militaire qui vient de prendre le pouvoir déploierait tous ses efforts pour sauver le pays de la crise économique actuelle. Concernant le sort des dirigeants déchus, on notera que 8 des anciens ministres du gouvernement de Lahonde étaient encore détenus hier soir dans les locaux de la police à Lima. On notera aussi que M. de Lahonde lui-même se trouve à Buenos Aires, où les autorités argentines lui ont accordé le droit d'asile. Le gouvernement bolivien a d'ailleurs à son tour offert l'asile politique à l'ancien président. Voilà, une nouvelle junte a donc remplacé un ancien pouvoir, qui lui-même était arrivé par la force, chassant un pouvoir précédent. Dans tous les cas, aucun de ces pouvoirs chassés ne semble être passé à la postérité. Les politiques, en fait, échouent les unes après les autres. En 1968, ce sont donc encore des militaires, et ils ne semblent pas décidés à rester les mains dans les poches, si l'on veut bien entendre ce journaliste qui, au micro de la radio romande, fait le point sur la situation à son retour du Pérou. Parenthèse, mais vous le comprendrez par vous-même, le nouveau pouvoir est de gauche. On écoute cet entretien entre Claude Méret et Marcel Nidgang. J'avais rencontré le général Velasco à Lima le mois dernier, il m'avait reçu dans son bureau du Palais Pizarre et il m'avait déjà laissé entendre à ce moment qu'il était fermement résolu à proclamer une réforme agraire. Car si l'action du gouvernement péruvien sur le plan international est très importante, c'est-à-dire tentative de limiter les intérêts étrangers et notamment nord-américains au Pérou, il n'y a pas de doute qu'il y a dans l'esprit du général Velasco et des jeunes colonels qui le soutiennent, le désir de pratiquer une action également très dynamique et efficace sur le plan intérieur. Et le général Velasco ne m'avait pas caché non plus, le mois dernier, qu'il était résolu à affronter l'oligarchie péruvienne, c'est-à-dire ces grandes familles péruviennes, toutes puissantes, qui disposent de la majorité des leviers de commande économiques et qui sont très liées aux intérêts étrangers, nord-américains en particulier. Quand on parle en Amérique latine de réforme agraire, c'est déjà un levain, sinon un climat révolutionnaire qui se met en place et qui un jour ou l'autre portera ses fruits. Alors pourquoi maintenant une telle initiative du Pérou? Et quelles peuvent en être, d'après vous, les conséquences sur l'ensemble des autres pays latin-américains? Eh bien, je vous répondrai au contraire que l'absence de réforme agraire est un levain révolutionnaire, surtout dans un pays comme le Pérou, où la nécessité d'une telle réforme a été soulignée par tous les observateurs et tous les experts internationaux compétents. Ce n'est pas la réforme qui est le levain révolutionnaire, la réforme tente au contraire, en accordant certaines satisfactions aux revendications élémentaires des masses paysannes, de couper court à tout mouvement révolutionnaire et éventuellement armé. Mais il est évident qu'il y a réforme et réforme. Des réformes agraires, nous en avons vu beaucoup en Amérique latine depuis un certain nombre d'années. On peut seulement dire jusqu'à présent avec certitude que les trois seules vraies réformes agraires sont celles du Mexique, n'est-ce pas, qui a débuté en 1917 et qui se poursuit, celle de Cuba, qui a commencé en 1960 et qui est brutale et dont nous connaissons les conséquences, et celle de la Bolivie, dont on parle moins, qui a été proclamée en 1953 par le gouvernement Estenssoro et qui a tout de même contribué à modifier assez brutalement le statu quo économique et social de la Bolivie. Voilà les trois réformes agraires jusqu'à présent en Amérique latine qui sont des vraies réformes agraires. En ce qui concerne les réformes agraires, par exemple, qui se déroulent actuellement au Venezuela et au Chili, qui sont des pays démocratiques, qui ont entrepris eux aussi des réformes agraires sérieuses et importantes, je crois vraiment que l'on ne peut pas encore les considérer comme des réformes réussies et qu'il convient d'attendre encore quelques temps avant de juger leurs effets. Alors toute la question est de savoir, dans le cas de la réforme agraire péruvienne, si l'apparente brusquerie des mesures qu'elle envisage correspondra effectivement dans les faits à des réalisations réellement révolutionnaires qui remettront réellement en question le statu quo économique et social du Pérou, qui est, il faut bien le dire, un statu quo féodal. Mais non, là encore, la réforme agraire décidée pour éviter tout mouvement révolutionnaire aura bien du mal à enrayer la misère qui abonde dans le pays. À preuve, cette enquête sur les jeunes péruviennes au destin bien mal engagé qu'on appelle les muchachas. C'est à suivre dans quelques instants. Susana Baca est le chef de file de la chanson populaire afro-péruvienne. Elle a pour source les airs des quartiers populaires de Lima et a été influencée surtout par la musique cubaine, Louis Armstrong, Billie Holiday et Edith Piaf. Dans ce chant de César Calvo, elle explique que l'Espagne a apporté le Christ et le patron, que le Christ est mort sur la croix et que le patron, lui aussi, a été crucifié. C'est un chant politiquement fort, car elle dit aussi qu'avec le sang des victimes, elle a fait un drapeau rouge pour combattre la liberté. Elle chante « De España no llegó Cristo ». Thank you. Chapitre 4. Science politique sans conscience humaine. Ruine de l'âme. Dans une alternance aussi permanente que plus ou moins brutale, le Pérou enchaîne depuis longtemps les pouvoirs. Il y a ceux qui prônent une réforme par l'économie libérale, et puis ceux qui veulent renforcer un retour à un régime, disons, démocratique. Remplaçant un gouvernement qui avait été démocratiquement élu, la junte militaire du général Juan Velasco Alvarado est au pouvoir depuis octobre 68. Malgré sa volonté de mettre en place la tant attendue réforme agraire, le pouvoir, lui, se trouve confronté à une série de grèves et de manifestations qui le mettent à rude épreuve. Nouveau coup d'état militaire, cette fois-ci, sur la plaquette du nouveau responsable, on peut lire le nom de l'illustrissime général Francisco Morales Bermudez, qui n'est pas un novice, car le sieur Bermudez en question a déjà été deux fois ministre sous celui-là même qu'il vient de virer. 1980, c'est une nouvelle élection présidentielle qui est organisée. L'ancien président, c'est-à-dire pas le dernier, mais l'avant-dernier, celui qui était juste avant le dernier, il revient au pouvoir. Et il remonte les manches, décidé à prendre les choses en main, à savoir, une fois encore, éradiquer la misère et juguler les mouvements révolutionnaires par de vastes réformes. Mais décidément, accroché comme une véritable sangsue, la poisse économique ne lâche pas le Pérou, et conséquence, la civilisation tarde quelque peu à faire son apparition. Illustration de ses conséquences, l'histoire des muchachas, ou comment faire l'éducation des jeunes hommes de la bonne société péruvienne à des prix très compétitifs. Le problème des muchachas, disons que c'est un sous-prolétariat. Et ce sont des filles qui viennent en général de la Sierra, ici à Lima, mais aussi de la Selva. Des filles qui ont été amenées, disons, de gré, mais par supercherie, et soi-disant pour trouver une place dans une bonne famille, etc. Et c'est vrai qu'il y en a quelques-unes qui arrivent à trouver des familles dignes et honnêtes et qui ne les exploitent pas. Mais en général, elles sont toutes exploitées. Quelles sont les supercheries dont vous parlez ? Eh bien, sur la forme de recrutement, vous avez des gens de Lima qui ont des connaissances à Iquitos, et les dites personnes ont d'autres connaissances, justement, à travers des commerçants ambulants, à travers des petits patrons locaux, ou à travers des gardes civils, ou à travers l'armée. Alors, on va chercher une fillette, si possible vierge, et puis on trompe les parents en leur disant bon, qu'on va l'envoyer et la faire étudier à Lima, etc., qu'on va leur payer les études, etc. Les parents, qu'est-ce que vous voulez, souvent chargés d'enfants et puis n'ayant pas de secours économique, bon, mais littéralement, la fillette est vendue et elle est transportée ici à Lima. Vous parlez de virginité, quelle importance cela a pour ce travail? Oh, c'est-à-dire que je préfère ça parce que c'est plus facile de la tromper une fois qu'elle est arrivée à destination, parce qu'elle va servir d'édredon aux garçons de la famille. On m'a dit qu'elle n'avait pas le droit d'avoir des relations sexuelles, enfin qu'elle ne sortait quasiment jamais des familles, elle ne sortait pas à l'extérieur. Oui, c'est exact, mais de toute façon, pourquoi en avoir à l'extérieur des relations sexuelles s'ils les ont à l'intérieur? Malheureusement, c'est le cas les trois quarts du temps. Et est-ce qu'on les paye seulement? Elles gagnent leur vie, elles ont un salaire? Elles ont un salaire, mais ce sont des gens de maison. Alors, le salaire est absolument minimum, minimum. Il n'est pas fixé. Alors, on fait n'importe quoi. Est-ce qu'elles savent lire? Est-ce qu'elles savent écrire? Bien des fois, elles ne savent ni lire ni écrire. Alors, c'est très facile de les tromper. C'est très facile d'abuser d'elles. Et elles ne connaissent personne chez qui elles peuvent se réfugier ou bien causer. Elles sont absolument abandonnées. Et si elle tombe dans une bonne famille, il n'y a pas de problème. Mais sinon, ben, c'est une catastrophe. Mais si elle tombe dans une bonne famille, on lui donnera tout de même de l'instruction, mais est-ce qu'elle aura le droit de quitter cette famille et d'en fonder une à son tour, par exemple? Tout dépendra de la volonté de la famille. Alors jusqu'où va le pouvoir de ce patron, enfin, sur ces personnes, sur ces gens de maison? Est-ce qu'il a le droit de l'exploiter totalement et sur un travail infini, enfin... Autrefois, en tout cas, dans la selva, puisque je connais davantage la selva que Lima et la Sierra, et autrefois, le patron était absolument tout-puissant, faisait absolument ce qu'il voulait. Aujourd'hui, alors, quelque chose a changé? Il y a un gouvernement ou autre chose qui s'est préoccupé du cas des muchachas? Jusqu'à présent, disons que dans la selva, ça commence sérieusement à diminuer, justement par l'instruction qui a été donnée. Mais le retard est tellement intense, tellement important, que là encore, le gouvernement échoue. En 1985, c'est donc un nouvel homme qui emporte l'élection présidentielle. Il fait adopter des mesures sociales qui vont directement en faveur des démunis. Alan Garcia, après l'expérience libérale précédente, tourne, lui, le dos radicalement aux solutions préconisées par le FMI. Il prend une décision qui ne lui donne pas que des copains. Il limite, ni plus ni moins, le remboursement de la dette à hauteur de 10% des exportations. Ça ne manque pas, le Pérou se retrouve rapidement isolé sur la scène internationale et exclu de la communauté financière. Ces mesures fabriquent naturellement un regain totalement artificiel de l'économie avec un gonflement plus que suspect de la croissance. Après une courte période d'euphorie, le retour brutal à l'austérité fait surgir l'hydre redoutée par tout gouvernement, l'inflation. Et là, c'est sa sœur aînée, l'hyperinflation, qui est convoquée. Le Péruvien perd 40% de son pouvoir d'achat, et là-dessus, une nouvelle lame de fond s'abat sur le pays, une pandémie terrible qui arrive d'Asie et qui a pour nom le choléra. Le vibrion qui se transmet facilement, trop facilement, attaque l'humain qui se vide dans des diarrhées gigantesques, provoquant une déshydratation express, entraînant la mort en quelques jours. Olivier Fontaine, de la Division de contrôle des maladies diarrhéiques à l'OMS, donne quelques précisions au micro d'Elisabeth Gordon. On dit classiquement que le choléra est la maladie des mains sales. C'est une maladie qui se transmet par l'intermédiaire des mains, par l'eau contaminée. Très fréquemment, c'est dans les repas contaminés, les gens mangent avec les mains et le choléra se transmet d'une personne à l'autre comme ceci. Et finalement, est-ce que le choléra est une maladie qui se soigne quand on la soigne assez facilement? C'est une maladie qui soigne très facilement avec les techniques modernes de réhydratation. Dans les cas où la diarrhée est très liquide, très grave et très, disons, très abondante dès le début, il est bien souvent absolument nécessaire de réhydrater par voie intraveineuse, au moins au début. Mais très vite, on peut réhydrater les malades à l'aide d'une solution de sel de réhydratation par voie orale. C'est une solution qui se prépare avec de l'eau disponible et qu'on leur fait boire régulièrement aux malades. Certains malades peuvent en boire plus de 5 à 10 litres en quelques heures pour compenser toutes les pertes occasionnées par la diarrhée. Réhydratation d'abord et surtout, et antibiotiques pour réduire la durée de l'infection. Quand il est rapidement traité, le choléra se soigne bien. 99% des malades en réchappent. Encore faut-il que les gens puissent se faire soigner, ce qui n'est pas le cas des habitants des bidonvilles péruviens. Des bidonvilles où les conditions de vie et d'hygiène, le manque d'eau potable, de tout à l'égout, ne peuvent que favoriser l'extension d'une épidémie. Comme le constate Jacques Achouline de Médecins du Monde à Paris, nous avons pu joindre au téléphone juste avant qu'il ne parte pour Lima. Si vous voulez, les bidonvilles sont alimentés par des camions-citernes. Et cette camion-citerne puise l'eau qui sont des eaux de ruissellement. Et comme vous savez qu'un colérique, c'est quoi? C'est un monsieur qui perd 15, 20, 25 selles par jour jusqu'à sa mort en 2-3 jours. Donc ces selles riches en vibrion colérique sont drainées et viennent enrichir des points d'eau dans lesquels les camions-citernes se remplissent et sont de nouveau redistribués dans la bidonville. On a là le cercle vicieux parfait du schéma idéal de la contamination la plus rapide possible de la plus grande population possible. Et puis, il y a aussi la nourriture, et les médecins recommandent à ce propos d'éviter de manger... Oui, non, mais quand, voilà. vous dites, Quand vous dites aux gens des bidonvilles de ne pas manger de poisson et qu'ils peuvent manger que du poisson parce que c'est le seul aliment pas cher, et pour eux c'est manger du poisson, on crevait de faim, donc ils mangent du poisson. Donc c'est vrai que le ministère de la Santé fait des communications permanentes à la radio, à la télévision, par voie de presse, par voie écrite, disant aux populations de ne pas manger de poisson, mais la population n'a pas le choix. C'est poisson, riz ou rien. Alors le riz est lavé avec des eaux souillées, le poisson est porteur du vibrion et la chaîne continue. Je dirais qu'elle s'amplifie à 30% par la voie alimentaire. La voie la plus importante étant encore la forme interhumaine et puis la forme d'élimination des eaux usées. Alors Jacques Achouline, oui. Est-ce que vous pensez que les hôpitaux peuvent faire face à l'afflux des malades ? Alors les hôpitaux, bien sûr, ne peuvent plus faire face. D'abord, il faut comprendre deux mots sur la situation politique du Pérou. L'État péruvien est en déliquescence parfaite. Plus rien ne marche vraiment. La blague populaire qui traîne et qu'il faut reprendre, parce que comme toutes les blagues, c'est un peu vrai, les deux choses qui marchent au Pérou, c'est Sentier Lumineux et l'armée. Et les deux étant en dehors de ce problème d'épidémie. Il faut savoir qu'il y a des grèves au moins 6 mois par an dans les hôpitaux au Pérou. Donc ces hôpitaux sont actuellement remplis de malades, mais ils ne disposent pas des traitements pour ces malades. Et une fois encore, l'actualité internationale a ses priorités. Bien des pays passent avant ce lointain Pérou qui a si mal compris la règle du jeu. Préférer rétablir son pays avant de rembourser ses dettes ? Mais voyons, ce n'est pas sérieux. Nous tenons cet adage de nos grands-mères qui elles-mêmes devaient le tenir avant de sources sûres. Qui paye ses dettes ? S'enrichit. Demain, la rencontre avec une autre figure du Pérou, Abimael Guzman, le chef du Sentier Lumineux. Une émission proposée par Jean Leclerc en collaboration avec l'unité documentaire TV et les archives de la RTS. Avec aujourd'hui Corinne Rocha, Valérie Dantan, Daniel Zacker et Thierry Châtel. Réécoute et podcast sur histoirevivante.ch. Vous écoutez la première, il est 14h.